Il faudra parler un peu plus vite, parce qu'on a 10 minutes à rattraper. Deuxième partie, les perfecteurs de conscience. T'es là? Oui. Un perfecteur de conscience, c'est un individu, c'est une mécanique. Ah ouais? C'est une question. Oh. Je pensais que t'affirmais des choses, c'est correct. Les perfecteurs de conscience... Il y a plusieurs sortes de perfecteurs de conscience. Un perfecteur de conscience, c'est une mécanique, une force. Parce qu'il faut faire attention avec la psychologie humaine, parce que très souvent, on va personnaliser les choses. Alors souvent, on va dire, c'est une force. La personne va dire, bon, est-ce que ça a des bras, est-ce que ça a une tête, est-ce que c'est une entité. Mais ce n'est pas une entité, c'est une force. Un perfecteur de conscience, c'est une force. On commence par une force. Elle peut être terrestrifiée à un moment donné. Qui a comme fonction de perfectionner la conscience. Ça, c'est. Jusqu'à date, c'est cohérent. Pourtant, il y a plusieurs types. Mais quand je dis type, c'est pas dans le sens humain. Il y a plusieurs types de perfecteurs de conscience. C'est pas au dépourvoir. C'est ça. Le premier type, ça s'appelle... Je vais t'en donner quelques-uns. Oui, tu vas prendre la note, la personne va finir là-dessus. Bon, parfait. Les perfecteurs de conscience, il y en a toute une gamme. Il y a le perfecteur d'eau. D'eau. Alors, il y a les Melchisedec qui sont des perfecteurs de conscience, on va en parler un peu. Il y a les Vorondadec qui sont des perfecteurs de conscience. Melchisedec, Vorondadec. Il y a les Lanolandec qui sont des perfecteurs de conscience. Mais on parlait aussi des perfecteurs que tu connais, qui sont plus près de toi. Il y a les séraphins qui sont des perfecteurs de conscience. Séraphins. Il y a les chérubins qui sont des perfecteurs de conscience. Il y en a quelques autres sur lesquels on pourra revenir un peu, mais les principaux, les plus intéressants, sont ceux-là. Il y a les guides de lumière qui sont des perfecteurs de conscience. Vous pouvez le noter aussi, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait d'eux des perfecteurs de conscience? C'est ça. Voilà. C'est premièrement, ils sont télépathes. Ah, j'ai pas son nom. Non. La conscience, on a vu tout à l'heure que c'était un état qui permettait à l'humain d'être instantanément en vibration avec une mécanique qui est hors temporelle. Donc, c'est d'être avec le savoir. Et le savoir, c'est quelque chose qui fait partie de l'instantanéité entre, c'est un échange instantané, donc hors temps, entre une mécanique qui fait partie de ce qui a engendré la création et ce qui est créé. L'homme, puis les énergies qui ont engendré la création. La création, c'est une mécanique intéressante qui est assez volumineuse et qui est un accident. Bon, la création, c'était un accident. Bon. Tes parents t'ont fait dans le noir, ils n'ont pas vu ce qu'ils faisaient. Bon, non, mais ils l'ont appelé Jacques parce que ça n'a pas quand même appelé Yark, mais c'est des choses comme ça. Bon, continuons. Et puis, les perfecteurs de conscience sont des mécaniques, des forces qui vont avoir la capacité, non seulement à l'intérieur de l'homme, mais aussi à l'intérieur des systèmes planétaires, donc des systèmes solaires, des systèmes galactiques, des systèmes universels, des systèmes super-universels, ainsi que des systèmes créationnels, parce qu'il n'y a pas seulement une création, mais on est dans une, on va se concentrer à celle-là. Donc, il y a des perfecteurs de conscience qui ont comme fonction aussi de régir la perfection de la conscience ailleurs que sur le plan planétaire. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, cette partie de cette conférence ici ne sera pas nécessairement pratique, c'est-à-dire que vous ne partirez pas d'ici en allant téléphoner à un perfecteur de conscience. C'est très important de se centrer sur soi. Énergétiquement, il va y avoir pendant la deuxième partie un peu plus de mécaniques qui vont vous permettre plus tard dans votre vie de comprendre des choses. C'est de l'énergisation et de temps en temps, on peut arriver à accéder à de l'énergification où le corps d'énergie ou les structures atomiques, les structures supra-atomiques de l'humain vont gagner en énergie. Cela permet des cellularisations, donc des mutations cellulaires, des mutations génétiques, ce qui fait que l'évolution est transmissible génétiquement à nos enfants. Elle est transmissible aussi par rayonnement à ceux qui nous entourent, et ce qui fait aussi qu'elle nous habite, donc ça nous sert de plus en plus pour aller vers, si on pourrait dire, l'avant, là, pour spirituellement rapatrier les concepts. Perfecteur de conscience, C'est une mécanique qui a tendance, dans l'endroit où se vit les expressions de conscience, à régir la conscience de façon à ce qu'elle puisse devenir applicable, donc efficace, dans le continuum là où elle est exprimée. Quand on parle de continuum, on parle d'un mélange. On parle d'un concept philosophique expliquant une mécanique, disons, existentielle. J'ai pas besoin de Kleenex. Donc, quand on parle un voron d'Adex. Quand on parle de perfecteurs de conscience, on parle donc de mécaniques qui auront la capacité de faire en sorte que la conscience qui s'installe à l'intérieur de l'homme puisse, à un moment donné, servir l'homme. Si on parle de perfecteurs de conscience au niveau, disons, d'une galaxie, c'est un perfecteur de conscience qui aura pour fonction de s'arranger pour que la conscience qui va être galaxisée puisse, à un moment donné, être efficacisée, donc servir la galaxie. Quand on parle d'un perfecteur de conscience qui s'adressera à un univers ou à un super-univers, ce sera la même chose. Parce qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas les seules entités, nous sommes des unités carbone. Mais on n'est pas les seules entités capables de recevoir de l'intelligence, donc de l'énergie. Les guides de lumière, on va commencer par les plus bas. Perfecteurs de conscience, il y a les maîtres du monde, puis il y a un paquet d'autres phénomènes là-dedans qui pourraient être intéressants à un moment donné, mais on va toutes les placer, dépendamment des questions que tu auras posées, on pourra voir. Un guide de lumière, c'est un perfecteur de conscience qui ne s'adresse pas à vous. La majorité des perfecteurs de conscience sont des mécaniques qui sont yavik. Yavik veut dire polarisé vers l'ascension, donc polarisé vers la fusion. L'homme dira bien, le bien. Les perfecteurs de conscience sont des mécaniques qui sont yavik et puis qui, après un laps de temps, finissent par devenir neutres, géovik, et qui, puis après un laps de temps, finissent par devenir polarisés vers la fusion, donc elles deviennent sataniques. Les guides de lumière sont des perfecteurs de conscience qui appartiennent aux prémices du réchauffement planétaire, c'est-à-dire qu'un guide de lumière fait partie de la résurrection du corps astral. Les guides de lumière sont des perfecteurs de conscience qui ont eu un rôle majeur à jouer à l'époque de la fin de l'Atlantide, vers la disparition des géants, des cyclopes et l'apparition de la race aryenne, de la race blanche, la première race indo-européenne, qui par la suite va se multiplier au niveau des races chaldéennes, des races teutoniques, anglo-saxonnes, etc. Il y aura donc sept sous-races de la race mère blanche et vous êtes présentement, vous faites partie de la sixième et certaines de la septième sous-race de la cinquième race mère blanche, qui n'est toujours pas une race cutanée, c'est une race neuronique. Les guides de lumière font partie de la résurrection du corps astral chez l'humain, donc de la conscience, de l'état de conscience astrale chez l'humain. Et ça va se faire en Atlantide. En Atlantide, va apparaître le vecteur matériel de la gestion astrale, et ça va être l'hémoglobine. L'hémoglobine est constituée d'oxygène, et évidemment, il y a le carboxyhémoglobine, qui est le gaz carbonique. La carboxyhémoglobine, je ne vais pas compliquer les choses, mais c'est l'hémoglobine bourrée de gaz carbonique, c'est du carboxyhémoglobine. Et dans les poumons, ça va rusher les gaz carboniques, prendre de l'oxygène, et ça devient de l'oxyhémoglobine. Le carbone et l'oxygène sont les grands médiateurs de la conscience astrale, de la psychologie. Et c'est pourquoi, lorsque l'on respire l'atmosphère de quelqu'un d'autre, on peut être coloré. C'est pourquoi, lorsque l'on rentre dans une maison où il y a eu quelque chose, on peut dire « l'atmosphère ici n'est pas correcte, on va aérer ». Et c'est pourquoi certaines personnes vont payer des prix assez intéressants pour aller en contact de l'atmosphère de certains maîtres qui sont au Tibet, dans l'Himalaya ou un peu ailleurs. Lorsque le guide de lumière, le perfecteur de conscience, apparaît au niveau de l'Atlantide, il va permettre la résurrection de la psychologie humaine, donc de ce que l'humain va appeler l'âme. Bon, Noé, c'est un Atlante qui vivait dans les îles Galapagos, puis il a laissé une partie de son laboratoire génétique là-dessus. Puis il a mis deux de chaque de son laboratoire dans ses deux arches. Un s'est ramassé sur le mont Ararat en Turquie, puis l'autre sur les terres de feu. Le sang va donc apparaître médiateur de l'astralité pour permettre la corporification de l'émotivité, c'est-à-dire pour permettre au corps astral d'être alimenté par le vécu endocrinien de l'humain. Donc, quand on vit quelque chose, puis ça va jusque dans nos tripes ou qu'on le sent physiquement, ça nourrit l'astral, ça nourrit l'émotivité. On s'en rappelle, on y croit. Et là, le guide de lumière, lui, va donc travailler là-dedans, et c'est pourquoi on appellera la race atlantéenne rouge, parce qu'on verra le sang. Bon. La race blanche, c'est lorsque la cutanéité va recouvrir le système circulatoire d'une façon plus complète. On ne verra plus le sang circuler, et on va appeler celle-là au niveau ésotérique la race blanche. mais les noirs font partie de la race blanche, les rouges, etc. Alors, il faut faire attention, les Amérindiens ne font pas partie de la race rouge, ils font partie de la race blanche. Maintenant, on a une race blanche neuronique au niveau de l'intelligence dans l'ésotérisme, puis on va comprendre que ce n'est pas une question de peuple, de religion ou de gouvernement. Les guides de lumière sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont apparaître lorsque la lumière apparaît à l'échelle de la planète. À l'époque de l'Atlantide, l'atmosphère était tellement humide, c'est aqueux, c'est-à-dire que le soleil n'a jamais percé encore la couche atmosphérique, il n'y a pas d'eau sur la planète Terre. Et à un moment donné, il y a un refroidissement complet de la planète qui s'opère depuis le début. Et c'est d'ailleurs ce qui se continue aujourd'hui. Et c'est ce qui pousse les extraterrestres à bouger un peu plus dans le sol, puisqu'ils ont besoin de chaleur. Alors eux, ils travaillent, les gouvernements, pour qu'on pollue, pour rehausser la température planétaire. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les guides de lumière vont être appelés comme cela à cette époque-là uniquement parce qu'ils apparaissent lorsque, après le déluge, et ils apparaissent un peu avant, ils commencent à travailler, mais ils vont perfectionner la conscience astralisée de l'humain après le déluge. Et lorsque l'atmosphère aqueuse devient trop lourde, elle s'effondre. Pour la première fois, le soleil, donc la lumière, peut arriver jusqu'à la surface du plan planétaire. Parce que c'est encore humide dans l'atmosphère, on voit des arcs-en-ciel partout. Et là, les savants de l'époque vont en déduire que l'arc-en-ciel est le signe évident qu'il n'y aura plus de déluge. Bon, théologiquement, on va dire que c'est Dieu qui a mis un arc dans le ciel, puis etc., pour avertir l'humain. Mais les scientifiques de l'époque vont comprendre que c'est évident, que l'arc-en-ciel est la preuve évidente qu'il n'y aura plus de déluge. Mais là, les guides vont apparaître, et ces guides-là arrivent avec la venue du soleil, donc de la lumière. On parlera donc de guide de lumière. Le guide de lumière, étant donné qu'il a un corps vital, c'est évident que lorsqu'une personne le voit dans son astralité, que ce soit en rêve, que ce soit lorsqu'il est dans le plan moronciel après la mort, ou disons l'arrêt vie du cycle vital de son corps physique, une personne qu'on peut réanimer, elle va dans le monde moronciel, c'est-à-dire c'est le plan de transition entre le monde de la mort, le ciel et la vie. Tant qu'elle est là-dedans, on peut la réanimer si le corps est opérationnel. Et là, elle voit des guides de lumière dans ses rêves ou là-dedans. Ces guides-là ne sont pas des guides de lumière. Évidemment, ils ont un corps vital. Le corps vital, étant donné que dans le rêve, on est dans une conscience, dans un état de conscience vitalo-astrale, on n'est pas limité par le corps physique, donc ce que l'on va voir est beaucoup plus lumineux. Mais l'humain reste avec l'engramme, l'archétype, que ce qui est lumineux vient le sauver. Pourquoi? Parce qu'à l'époque atlantéenne, lorsque l'âme a commencé, donc là où la mémoire de l'humain, les spiritualités, on commence là en Atlantide, ben, l'humain, lui, voit les guides de lumière, et parce que le soleil, etc., ses guides arrivent avec la venue de la lumière, ils vont comprendre, ils vont émotivement mémoriser que le porteur de lumière, Lucifer d'ailleurs c'est un porteur de lumière, mais lui c'est en Lémurie, que les guides de lumière, que ceux qui ont l'apanage de la lumière, sont des êtres qui viennent perfectionner l'humain. Alors que depuis au moins 35 000 ans, les guides de lumière qui restent encore à l'échelle planétaire sont sataniques, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler l'humain pour que l'humain descendent au niveau d'état de conscience astrale qui fait partie de leur rôle à ces guides de lumière-là. Autrement dit, en Atlantide, l'humain est très bas au niveau de la conscience astrale. Les guides de lumière vont le faire monter jusqu'à un état de la conscience astrale particulier, l'état où, à un moment donné, Moïse, qui lui a rencontré un Melchisedec, qui est un autre perfecteur de lumière, Moïse va rencontrer un personnage et puis lui va engendrer le monothéiste. C'est-à-dire que les guides de lumière peuvent amener l'humain jusqu'à ce que l'humain soit capable, dans sa conscience astralisée, de fusionner toutes les mécaniques astrales pour mettre fin au polythéisme et engendrer une seule voie, une voie unifiée de la conscience spirituelle lui permettant son ascension. Qu'est-ce qui fait qu'un individu soit en mesure de reconnaître le guide qui lui convient? Personne n'est capable de reconnaître le guide qui te convient, surtout qu'aujourd'hui, les guides de lumière ne servent plus l'humanité. Peut-être qu'ils vont servir un peu les Pijamjara. Ils peuvent servir un peu les fils de l'intérieur en Australie. Ils peuvent servir un peu les Tassadai aux Philippines. Ils peuvent servir des peuples qui font partie de l'âge de pierre, peuples préhistoriques. À un moment donné, ces mécaniques-là, s'ils sont sous-utilisés ou pas utilisés, est-ce qu'ils vont disparaître? Les guides de lumière, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils meurent lentement. Parce que ce sont des mécaniques astralisées mémorielles, ils veulent vivre, donc ils s'attachent à des humains. Les guides de lumière sont donc des perfecteurs de conscience qui ne peuvent pas aider l'humain parce qu'ils vont toujours amener l'humain sur la voie du polythéisme. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dévier l'humain, premièrement, de sa centricité sur lui-même, et ils vont forcer l'humain à devenir un peuple, un être sous-développé, dans le sens pays sous-développé, qui nécessitera la part de l'extérieur. Bon, par exemple, le guide de lumière veut vous amener vers la paix. Mais si vous ne savez pas c'est quoi la paix, comment vous pouvez savoir qui vous amène vers la paix? Il faut qu'on sache c'est quoi la paix. Mais si on sait c'est quoi la paix, on n'a plus besoin du guide de lumière pour aller vers la paix, parce que pour connaître la paix, pour savoir la paix, il faut être en paix. Bon. Mais par contre, ça fait partie de la perfection de l'ascension, de l'état de la conscience astralisée, donc psychologique, pour amener l'humain à être capable de vivre de l'émotivité. Et le guide de lumière avait comme fonction au départ de monter l'humain jusqu'à temps que l'humain soit capable de devenir dépendant émotivement des autres. Ça perfectionnait la conscience astrale. L'humain avant était dépendant sexuellement. Donc, au niveau du corps vital, il y a eu d'autres perfecteurs de conscience vitale. On va les passer, ceux-là. Bon, ça fait partie de Merlin, par exemple. Ça n'était un perfecteur de la conscience, mais vital. Et lorsqu'à un moment donné, le perfecteur, donc les guides de lumière, vont amener l'humain à être obligé de s'amouracher de quelqu'un. Et ça va permettre la création de clans, de sociétés. Maintenant, les guides de lumière vont amener l'humain jusqu'à temps que l'humain puisse engendrer des cités. Des cités divines, évidemment, parce que l'humain va canaliser ça vers un monothéisme. Et progressivement, les guides de lumière vont devenir des êtres neutres. Et là, l'humain doit maintenant passer à un autre guide de lumière qui va être un chérubin minimum, sinon un séraphin. Les séraphins commencent à être opérationnels à partir du 14e siècle. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu part justement à un autre échelon? L'écœurement. Encore, pas encore, c'était ça à l'époque. OK. Et eux autres peuvent dire encore quand ils regardent. Ils peuvent dire encore. Oh, oui, c'est ça. Oh, ouais. Bon. Écoute bien. Lorsque l'humain vit avec les guides de lumière, les guides de lumière finissent par l'amener à conceptualiser le monde. Conceptualisant le monde en fonction d'un guide de lumière particulier, chaque humain finit par avoir, chaque clan, hein, l'humain grégaire, chaque clan finit par avoir sa vision cosmique des choses, donc sa cosmogonie. La cosmogonie, la gonie, c'est la science qui explique les relations entre les choses qui font partie du logos. Le logos, la logie, c'est la science qui va étudier les relations entre les éléments qui ont été nommés. Puis la nomie, c'est la science qui nomme les choses. L'astronomie nomme les astres, l'astrologie va étudier la relation entre les astres et l'homme, l'astrogonie va étudier la relation entre le cosmos des astres et le cosmos humain, puis l'astrosophie va étudier l'intervention des mécaniques divines, et non pas reliées aux dieux humains, des mécaniques divines, des mécaniques réactionnelles à travers tout ça. Alors, chaque peuple va avoir sa cosmogonie. À cette époque-là, les guides de lumière ne peuvent plus servir. Les guides de lumière les plus puissants vont engendrer à travers les populations ce que l'humain va appeler les maîtres du monde. Les maîtres du monde sont des mécaniques qui sont totalement infernales, qui vivent sous la terre aussi, soit dans la Gartha, soit dans Shambhala, entre autres, ce qui est un peu ailleurs aussi. Apparemment qu'on en aurait vu avec des moustaches sur le Saint-Hilaire. Bon, dans le Saint-Hilaire. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les guides de lumière rendus à un certain moment donné peuvent aller vous voir encore. C'est des guides en train de mourir et ils sont lumineux. Et ce qui est dangereux surtout, c'est qu'il y a un paquet de densités du monde de la mort aussi qui vont simplement arriver lumineux parce qu'ils sont, énergisés astralement ou vitalement. Et là, ils vont essayer de convaincre les individus de les suivre. Mais nos mémoires, de ces guides-là, sont plus ou moins altérées parce que ça fait longtemps qu'on a... Ça dépend de ta conscience. Ils sont altérés, mais si on regarde, par exemple, Jim Jones, son guide de lumière, quand il l'a rencontré, lui, il l'a suivi jusqu'à temps qu'il se ramasse en Guyane avec 993 personnes qu'il va tuer. Et c'est encore un peu fréquent. C'est sûr qu'il y a des individus qui se battent pour avoir un guide de lumière. Et ça va atténuer la puissance d'un guide de lumière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, certaines personnes vont dire, « Moi, je suis relié à Jarkul, par exemple. C'est un guide de lumière. » Bon, sauf que comme ils sont 3 4 000 à être reliés à lui, le pauvre type, il n'arrive pas à manipuler suffisamment un individu pour l'amener à faire des choses problématiques. OK? Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain doit se fier à lui. À être son seul maître, ça veut dire être capable d'être centré. Puis si un guide de lumière te dit quelque chose qui fait du sens, tu le fais. Si ça ne fait pas de sens, tu ne le fais pas. Autrement dit, tu n'en as pas besoin. T'sais, si ça fait du sens, tu le fais. Si ça n'en fait pas, tu ne le fais pas. Tu n'as pas besoin de lui pour te le dire. Les guides de lumière deviennent donc dangereux depuis quelques milliers d'années. Et ils vont, c'est d'ailleurs, la majorité des guerres vont être engendrées et nourries par des guides de lumière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un guide de lumière se présente toujours de la façon la plus accueillante pour vous, c'est-à-dire qu'il va apparaître, pour l'individu qui va en voir un, il va apparaître selon une forme, un nombre de formes qui plaît à l'individu, et qui plaît comment? Qui plaît émotivement à l'individu. Parce que le guide de lumière, je répète, c'est l'être, c'est le perfecteur de conscience qui va avoir à perfectionner la conscience émotivo-astrale de l'humain. Donc, le guide de lumière, quand il se pointe devant quelqu'un, la personne tombe en amour, ça lui plaît. Et parce qu'elle tombe en amour, elle se sent rassurée. Parce qu'elle est nourrie, effectivement. Et c'est un gros danger. Parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Bon, les vendeurs peuvent faire ça, puis il y a des tyrans qui ont fait ça, les guides de lumière font ça aussi. Tramasse au niveau de ton émotivité. C'est un vieillard rayonnant, etc. Il va arriver. C'est un enfant, vous voulez voir, il va arriver. Les cheveux dorés, il va avoir les cheveux dorés. Il va vous ramasser émotivement. Pas par l'intelligence de son discours, par la beauté de ce qui va rayonner. Et lui-même va se faire ramasser. Mais j'imagine qu'il doit être possible de le confronter ou justement vérifier si... Pas nécessaire. Non? Pas nécessaire. Il vient chez toi, il dit où est l'aspirateur, puis qu'il passe l'aspirateur dans la maison. Et il va aller hanter ailleurs. Tu n'as pas à le confronter. C'est une chose qui est importante. L'humain qui vit l'ascension n'est pas... Il devient un guerrier supramental, mais le guerrier supramental n'est pas un être humain qui travaille avec une épée, ou qui travaille avec ces choses-là. C'est une personne qui aura le bol de la guerre. Le guerrier supramental est un individu qui va s'arranger pour placer des sceaux, pour placer des étampes, on va dire pour étamper, l'astral, de façon à ce qu'il n'ait plus à faire la guerre. Le guerrier supramental finit par l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, finit par être dans une fonction, on en reparlera à un moment donné, on va en parler d'ailleurs le mois prochain, il finit par être dans une fonction qui oblige toutes les mécaniques qui sont évoluantes, les mécaniques qui sont fusionnelles, ainsi que les mécaniques, bon, archangéliques, ascensionnelles, c'est compliqué un peu là, mais toutes les mécaniques qui gèrent l'évolution ou l'ascension des masses, le guerrier supramental, l'être nouveau, a placé des sceaux qui font en sorte qu'il devient absous des lois de l'évolution collective. Alors, il n'a plus besoin de lutter, de se battre, de confronter, etc. Il y a un guide de lumière qui apparaît en avant de lui, puis le guide, il dit « Oh, excuse, je me suis trompé de mec. » Puis, t'as pas besoin de rien. Il y a un fantôme qui apparaît, ben le fantôme, il s'en va fanter ailleurs. Il n'y a pas de problème. Sauf que l'humain doit se centrer suffisamment, puis vivre ses états de conscience, avoir une opinion. Une fois les guides de lumière réglés, il en reste encore quelques-uns sur la planète Terre. Ils sont utiles dans des endroits où les individus sont... encore polythéiques, c'est-à-dire les rares peuples qui vont vivre du culte des ancêtres, par exemple. Il y en a encore sur la planète Terre. Les guides de lumière peuvent les servir. Mais le guide de lumière a besoin comme alimentation d'émotivité. Puis évidemment, les guides de lumière sont des êtres qui sont affectés à des peuples particuliers parce qu'ils vont être engendrés par l'expérience du peuple. Donc, on aura des guides de lumière à caractère juif qui auront de la difficulté à faire comprendre au Tassadaï ce qu'ils doivent faire. Il y a des guides de lumière qui vont être musulmans, et des guides de lumière qui traînent. Parce que les musulmans n'ont plus besoin de guides de lumière. Ils sont un peuple unifié sous un monothéisme. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des perfecteurs de conscience plus avancés, les Vorons d'Adek entre autres, qui vont avoir la capacité, eux, de détruire le plurithéisme. Okay? Polythéisme, plusieurs dieux, mais dans une conscience religieuse. Monothéisme, un seul dieu dans une conscience religieuse. Le plurithéisme, c'est un seul dieu, mais dans plusieurs consciences. Donc, le plurithéisme, c'est qu'on aura Jéhovah, on aura Moroni, relié au Mormon, par exemple, on aura Yahvé, on aura Allah, on aura Dieu, on aura etc. Ça, c'est le plurithéisme. Les Vorons d'Adek ont comme perfection, la perfection de conscience des Vorons d'Adek au niveau d'un monde qui est en train de créer, de vivre une ascension, c'est de fusionner la totalité du plurithéisme pour faire en sorte que l'humain finisse par vivre la centricité totale sur l'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale, c'est l'Esprit Saint, c'est la même chose. C'est ce qui habite l'humain. Autrement dit, l'individu va finir par vivre une religion qui ne sera pas une religion mentale, si on peut dire, dans les derniers bastions d'ici 1997-2023. L'individu va vivre une relation entre ce qu'il est en tant qu'être terrien et ce qu'il est en tant qu'être transtemporel, que les gens appellent extraterrestre, mais ce n'est pas extraterrestre. Et là, il va vivre une mécanique qui va être différente. Bon, on reviendra là-dessus, mais ça va détruire, ça va démolir, ça va fusionner le plurithéisme. Les guides de lumière, donc, il en existe encore, ils ont besoin, ça meurt lentement. Puis quand on parle mourir, c'est que leur mémoire s'estompe lentement. Pour ne pas mourir, ils doivent raviver leur mémoire, donc ils vont entrer en contact avec des gens qui font partie des races qui ont servi ou qui ont été servis par ces guides de lumière-là, et ils vont essayer de raviver l'espoir dans les individus, et ça va réénergiser leur mémoire structurelle qui leur permettait la vie à l'époque. Les guides de lumière, ça ne fait pas partie de ce qui est utilisable en tant que perfecteur de conscience pour la race, pour l'humain qui a la capacité de comprendre le neuf. Bon. Le suivant. Should have been. Le chérubin, c'est un perfecteur de conscience qui, premièrement, est attribué, a été attribué en Lémurie, au corps vital de l'humain. Le chérubin, c'est un perfecteur de conscience qui fait partie de la jeunesse de la race. En Hyperborée, le Québec, le Groenland, l'Islande, l'Hyperborée, et en Terre Blanche, la première terre de surface et le bouclier canadien, dans ces contextes-là, on ne peut pas considérer que l'homme est homme. Il n'y a pas de race humaine. La race humaine apparaît en Lémurie. Les chérubins vont venir perfectionner la conscience vitale de l'humain, et ce qui va engendrer un être extrêmement intéressant, qui lui va se scinder par la suite entre les êtres humains, les singes, puis quelques autres petites races qui, à la longue, vont s'éteindre simplement. Le chérubin est un perfecteur de conscience, donc qui, dans la conscience de l'humain, évidemment, fait trop référence souvent à la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est surtout les jeunes qui, à l'époque de la Lémurie d'Atlantide, avaient le contact avec un perfecteur de conscience vital qui, lui, perfectionnait la génétique évolutionnaire de l'humain pour arriver à en faire un véhicule. Ils sont capables de développer un centre laryngé et un centre cérébral pour être capables de supporter, à un moment donné, la conscience astralisée que les guides de lumière vont amener chez l'humain. Maintenant, le chérubin est encore utile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le chérubin subit une mutation. Le chérubin du passé, qui habite encore l'humain, comme d'ailleurs le guide de lumière habite l'humain, mais celui-là, il n'est pas trop dangereux. Il est dangereux, c'est l'ego. Mais quand on parlait tout à l'heure de guide de lumière, je parle de ceux qui sont encore dans la vapeur astralisée du monde de la mort. Le chérubin, c'est le perfecteur de la conscience vitale qui va permettre la relation entre la conscience astrale et le corps physique. Le chérubin, c'est celui qui va avoir la capacité, par exemple, de prendre votre pensée et d'être capable d'en faire une motricité physique. Autrement dit, si je demande à Jacques de bouger ses deux oreilles, il ne peut pas. Mais si je demande à Jacques de bouger le verre à distance, il ne peut pas. Un chérubin peut le faire. Mais nos chérubins se sont limités à la perfection de la conscience vitale à l'intérieur du corps physique pour permettre à la conscience psychologique, à l'émotivité astral, donc à l'âme, d'avoir la capacité de bouger le corps physique dans son expression. Mais le chérubin vit une mutation chez l'être nouveau et le chérubin devient un interpréteur actionnel. L'interpréteur actionnel, c'est un terme plus ajusté du terme chérubin. Chérubin yin, chérubin yang, bon, parce qu'il y en a un qui permet l'expression de l'astral, de la psychologie, via les voies du corps physique par la structure hypothalamienne et le chérubin yin. Le chérubin Yann. Le chérubin Yin, lui, va lire ce qui se passe dans le corps physique par les voies thalamiennes, le thalamus, pour amener ça à l'astral. Donc, lui qui est en train de muter, de transformer, cette fonction-là va disparaître? Cette fonction-là va progressivement disparaître parce que le perfecteur de conscience chérubin va devenir un perfecteur interpréteur actionnel. Et l'interpréteur actionnel a la possibilité, lui, le chérubin va rester. Le chérubin va continuer à permettre la relation entre le plan astral, la psychologie humaine et le plan physique. C'est intéressant. Bon. Le chérubin, il y a une grande partie qui va muter et devenir un interpréteur actionnel. Et lui va permettre la relation entre le plan mental de l'homme et le plan physique de l'homme. Et c'est là que quand le chérubin, donc le perfecteur de conscience chérubinique, va être suffisamment amené au plan de l'interpréteur actionnel, que là, vous allez commencer à être capable d'exprimer de la volonté en ce qui concerne la gestion de votre corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir psychologiquement, vous ennuyez, vous engueulez, ben non, vous avez été frustré, là, vous avez le goût de manger. Ça, c'est l'aide. Le chérubin est obligé d'interpréter biologiquement, donc gastriquement, les besoins de l'ego, de l'astral. Quand le chérubin va vivre une partie de mutation pour engendrer l'interpréteur rationnel, le mental va être capable de régir le plan physique. Alors, votre ego va vouloir manger parce qu'il y a eu une frustration, par exemple, et le plan mental va automatiquement interdire au corps physique de manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas venir pour bouffer, puis tu vas avoir l'énergie qu'il faut pour ne pas manger. Ça, c'est la perfection vitale va être amenée à un autre degré, où elle va permettre à l'énergie beaucoup plus vibrante du plan mental de contrôler le plan physique. Présentement, si je vous dis accélérer votre cœur, vous ne pouvez pas. Mais si vous fermez les yeux et que vous imaginez quelque chose qui va vous faire peur, il va accélérer automatiquement. Le chérubin, lui, a la capacité d'interpréter la mécanique astrale, émotive, et de la transmettre au niveau du plan physique. Quand ton interpréteur réactionnel est suffisamment évolué, perfectionné au niveau du plan vital, là, vous allez vouloir accélérer le cœur, vous allez automatiquement enclencher une sécrétion de catécholamine qui va lancer le cœur. bon, L-DOPA, dopamine, etc., les précurseurs. Et vous allez l'arrêter quand vous allez vouloir. Bon, avec évidemment le résidu mémoriel, le temps qu'on brûle les hormones. Ça va faire en sorte que vous ne ferez plus de bile. La bile, quand on se fait de la bile, c'est quand on est inquiet. Ben, automatiquement, le chérubin vient interpréter au niveau du plan physique ce qui se passe au niveau du plan astral, qui va sécréter de la bile, là, qui se ramasse avec des brûlements de ci, de cela. Vous n'aurez plus d'asthme, qui est une bronchoconstriction des branches, évidemment, une construction des branches, et qui est amenée par un paquet de processus qui sont endocriniens, qui sont reliés au phénomène de l'ego. Je suis content, je ne suis pas content, je suis malheureux, je suis sûr, ben là, je suis asthmatique. Fait que j'y vais par là. Je suis bon. Lorsque l'être humain va, le chérubin est présentement est en train de se transformer. Pour que le perfecteur de conscience qu'on appelle, ça fait partie de ça des forces. Après ça, on va rencontrer des phénomènes qui vont intervenir directement dans la vie de l'humain. Présentement, c'est des forces internes à toi. Le perfecteur de conscience chérubinique, pour qu'il devienne un interpréteur actionnel, il y a des choses qu'on peut faire pour l'aider. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour l'aider. En tout cas, ça t'intéresse pour les questions. Maintenant, après le chérubin, on parlait des forces là, qui permettent de modifier le chérubin, justement. Hein, vous avez peur, hein? Les stratégies. Tout ce qui fait partie du plan biologique est technicalisable parce qu'on peut prévoir la résultante au niveau du plan physique. Vu qu'il y a de la mémoire, il y a donc des extrapolations futuristes, donc on peut se permettre de prévoir d'extrapoler. Pour développer l'interpréteur actionnel, ce que l'humain doit faire, il y a des petites techniques comme ça, là. Je ne contrerai pas tout ça sur ce soir. Est-ce que la personne, un exemple très banal, ça va être, tu veux boire de l'eau, ben tu commences toujours par voir ton verre d'eau qui se déplace, qui vient t'abreuver. Évidemment, à un moment donné, tu prends ton verre. Pour ça, vous avez la paix. La meilleure façon, c'est l'une des techniques, la technique Menfi, que j'ai mis au point uniquement parce que ça permet ces choses-là, Menfi mental vers le physique. Ça va être le contrôle. Je donne un petit coup, mais une fille bien, bien banale. C'est évident que c'est une technique à partir du programme être contrôleur, puis c'est beaucoup plus explicité là-dedans. Mais il y a des individus qui sont connectés. Des fois, ils peuvent être capables de récupérer une petite chose de rien puis arriver à recréer la chose. Mais c'est extrêmement banal. Le premier principe, c'est de prendre son corps physique et de parvenir à développer une contraction musculaire infime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ma main ici et je la relaxe. Et puis, à un moment donné, eh bien, présentement, je contracte l'index vers l'intérieur. Je sens tout le muscle de l'avant-bras qui permet ce mouvement-là ici vers l'intérieur. Je le sens en contraction. L'index ne bouge presque pas parce que mon cerveau envoie un ordre par quelques neurones à quelques cellules musculaires seulement. Ça, c'est l'interpréteur actionnel qui permet ça. L'humain, normalement, va y aller par secours. C'est la difficulté, à un moment donné, ça se trouver. On va y aller avec le biceps. Évidemment, on peut y aller avec le rond pronateur, le supinateur. On travaille avec le corps physique et progressivement, on oblige l'interpréteur actionnel, donc le perfecteur de conscience vitale, entre mental et astral, à prendre son rôle. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre progressivement d'atterrir. Atterrir, ça veut dire que vous avez une conscience qui flotte des nuages. On tripe, on est là-dedans. Alors, pour se terrestrifier, on fume. C'est important parce que si on ne fume pas, on a de la misère à être efficace. Ou on prend de la boisson, ou on mange beaucoup, ou on a beaucoup de relations sexuelles, ou on se drogue, ou on fait d'autres choses. Ça, c'est pour terrestrifier l'humain. Parce que sans ça, l'humain, sa conscience est trop volatile, il n'arrive pas à la faire atterrir. Mais l'interpréteur actionnel, le perfecteur de la conscience vitale, une fois développé, lui, te permet d'atterrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de baisser ton taux vibratoire avec la cigarette ou l'alimentation. Mais je ne vois pas de la part entre se terrestrifier puis la conscience. C'est la même chose. C'est qu'il faut absolument que tu atterrisses. Quand on te terrestrifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les véhicules qui sont en train de monter et on les rabaisse au plan terrestre. Mm-hmm. Te faire atterrir, ça veut dire qu'on va garder les véhicules au niveau où ils sont, mais mm-hmm. La conscience, sans être déformée, va être capable de venir dans le contexte planétaire. L'interpréteur actionnel va te permettre d'atterrir, ça veut dire que tu es, par exemple, un utopiseur. Tu es toujours en train d'utopiser. Tu rêves à des choses, tu réincarnes de l'avenir. Mais ça te rend inefficace ici. En étant capable de faire travailler ton interpréteur actionnel convenablement, donc de faire vibrer le perfecteur de la conscience vitale entre le plan mental et le plan astral, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas être capable de te centrer. Ton opinionisation va être de plus en plus forte parce que vous allez être capable de dire « Oui, je suis sûr que je réincarne des mécaniques du passé. » Bon, quelqu'un va dire « Ouais, qui tu réincarnes? Vous ne serez pas mal pris. » Vous le savez pas, vous allez dire. Je ne sais pas que je réincarne. Mais qu'est-ce qu'il dit que je réincarne de quoi de bon? Il n'y a rien qui me le dit, je le sais. Puis c'est tellement clair que vous ne passerez pas pour un imbécile. Mais là, c'est que tu es capable d'atterrir ce que tu es. Ah oui, moi je suis un homme, moi je ne crois pas. Mais je crois, mais dans le sens croître. C'est de la spiritualité. C'est pas la même chose. Tu vas être capable d'avoir une énergie extrêmement puissante. Ce ne sera pas du pouvoir, c'est de la puissance. C'est régi par l'intelligence. Le pouvoir, c'est régi par de l'astral. Alors, progressivement, en étant capable de faire vibrer le perfecteur de conscience qu'on appelle l'interpréteur rationnel, tu vas régir ton corps physique complètement et ça va faire en sorte de te permettre d'atterrir, c'est-à-dire que tu vas être capable de vivre dans le contexte planétaire actuellement, avec toutes les idées qui bouillonnent dans vos cerveaux, sans que ça vienne vous nuire, sans que ça vienne te nuire. Et c'est extrêmement important parce que l'humain, à un moment donné, ne sait pas ce qui est fou, ne sait pas ce qui est folle, ne sait pas ci, ne sait pas ça. Il ne sait jamais sur quel pied danser. Il ne sait jamais à quel dieu ou quelle conférence il se vouer. Il ne sait jamais où s'en aller. Uniquement, pourquoi? Uniquement parce qu'il n'est pas atterri. Puis atterrir, ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut dire qu'on est capable de supporter ce que l'on sait, puis on est capable de savoir ce que l'on ne sait pas. C'est tout. L'interpréteur actionnel va donc finir par être suffisamment muté de façon à ce que l'humain puisse le vivre. Donc, la façon de le faire, c'est menfiser, c'est-à-dire de forcer le plan mental à travailler le plan physique. Ça veut dire manger plus lentement, ça veut dire marcher plus lentement, ça veut dire c'est moi qui décide comment je vis. Au bout de 30 secondes, tu es encore rendu à course. C'est pas grave. L'important, c'est pas de réussir. Je vais revenir un peu là-dessus. En fin de compte, mettre de la conscience dans son corps. Ouais, ben oui, oui, voilà, mettre de la conscience dans son corps. J'aurais dû le dire. C'est sûr que c'est ça, mais l'humain, il faut compliquer un peu pour simplifier. Bon, ce qu'il faut comprendre. C'est intéressant, mais tu me fais perdre ce que je voulais genre trouver, parce qu'on gagne à vouloir jaser. Là. Ce qui est extrêmement important à travers sa vie au complet, okay, c'est d'être capable simplement de concevoir, de comprendre, de vibrer que le résultat de toutes vos tentatives n'a aucune valeur conscientiative ou ascensionnelle. Okay? C'est important qu'on comprenne. Parce que jusqu'à date, l'humain a toujours fonctionné en fonction des résultats. C'est pas le résultat qui est important, c'est vous. Mais ça, on le dit pas. Okay? Alors, je reviens là-dessus parce que c'est banal. Tu sais, c'est dit comme ça. Trois, quatre, cinq mots, c'est dit de même. C'est une mutation complète dans la conscience de l'humain. L'humain qui arrive à comprendre que c'est pas le résultat de ses actions qui sont importants. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh ouais. Sauf que si on n'a pas arrosé l'arbre, les fruits vont être secs. C'est pas faux à cause de la volonté de l'arbre. On est dans un contexte spirituel. On reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est exact. C'est parfait. Il y a 2000 ans. Non, c'est pas vrai, il y a 1980 quelques années. C'est merveilleux. Sauf que c'est pas vrai aujourd'hui. L'être qui traverse au niveau de la conscience, c'est lui qui est important et non pas ce qu'il lègue. Et non pas ce qu'il fait en termes d'actes. C'est évident que plus il va se perfectionner au niveau de sa conscience, plus ça va être écologique et esthétique ce qu'il va faire. Mais ce n'est pas ce qu'il fait qui est intéressant, c'est ce qu'il est lui. Autrement dit, moi je rencontre un être humain qui est merveilleux, et puis cet être humain-là fume. Mais je n'ai rien à faire, qu'il fume, il se restrifie parce que c'est essentiel présentement. Bon, qu'il me fume pas dans le visage, je comprends. Là, il est en train de paniquer, bien qu'il me fume dans le visage. Je recyclerai. Bon. Mais ce qui est important simplement de comprendre, c'est pas ce que vous faites. Autrement dit, vous dites, bon, là, il faut que je me contrôle, là, il faut que je m'assoie comme il faut, là. Ça y est, là, je suis correct. Puis lentement, là, vous reglissez, là, vous accotez, là, vous dites, ah, j'ai encore manqué. Non, vous réussissez chaque fois que vous prenez conscience. Ah, ça y est, je suis encore tout croche. Vous réussissez là. Ouais, mais je suis croche. On n'a rien à faire que tu sois croche, on est manipulé. Bon, oui, mais j'ai encore mangé des cochonneries. C'est sûr, on a un égo véreux qui nous pousse à faire des conneries. Bon, mais est-ce que vous êtes content quand vous chiolez? Non, c'est ça. C'est ça qui est important. Oui, mais j'ai encore chiolé. C'est pas vous qui avez chiolé parce que vous voulez pas chioler. On est manipulé. Oui, mais j'ai encore fait une connerie, j'ai encore investi, j'ai encore joué, j'ai encore... Est-ce que vous vouliez perdre? Est-ce que vous vouliez faire des conneries? Non, c'est pas vous qui l'avez fait. Mais ça, il faut que les mecs comprennent. On est manipulé, c'est pas frustrant, on l'a toujours été, c'est pas parce qu'on le sait que c'est pire. Ça va être mieux à un moment donné, parce qu'ils ne manipuleront plus. On va les organiser. Mais ce qui est important de comprendre présentement, c'est pas le résultat. Je décide que je fais un jeûne. Ça fait 40 fois que je veux jeûner. Je suis vraiment capable. C'est pas grave, le jeûne. Tu n'as rien à faire du jeûne. C'est la conscience. Tu es en train de descendre des mécaniques où tu tu veux imposer ce que tu es en tant qu'intelligence à la vie du corps physique. C'est ça qui est important. La réussite, écoutez, il faut que le corps mute génétiquement pour être capable de supporter votre intelligence. Il faut que les événements s'orchestrent autour de vous pour vous faciliter la tâche à un moment donné. C'est pas le résultat d'eux. Ça fait 20 fois que j'ai commencé à faire du conditionnement physique. Puis après 4-5 petites jobignettes, ben là, il me semble que je pue, puis il me semble que... Ça, c'est le chérubin qui nous permet de... Si tu mutes suffisamment le chérubin en prenant conscience de ton corps physique, comme tu disais si bien tout à l'heure, et que tu agis en sentant le corps physique, tu vas progressivement, une partie du chérubin yin qui ajuste le plan astralophysique va muter en interpréteur actionnel qui va ajuster la communication entre le plan mentalo-astral, qui lui, maintenant, va être coloré par le plan mental, puis il va nécessairement travailler mieux que le plan physique, puis tu vas avoir du plan mental à cause de l'interpréteur actionnel, une communication directe avec le plan physique, ce qui va te permettre de dire, je me couche ce soir, je me place comme ceci, puis je m'endors. Pouf, vous dormez. C'est intéressant. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, je reviens encore là-dessus, c'est sine qua non, c'est extrêmement important, vous devez vous débarrasser de l'idée que c'est le résultat de. C'est évident que plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez faire de l'argent. C'est évident. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas de l'argent que vous ne vous conscientisez pas. Faire de l'argent, c'est ramasser de l'énergie pour avoir du temps, de la liberté. Bon. Sauf que ce sont des résultats secondaires de la conscience, de la conscientisation. C'est évident que l'humain va le faire. Mais si l'humain se conscientise, puis encore trop d'ego, faut pas qu'il fasse de l'argent, parce que c'est l'ego qui va se nourrir du fait qu'il fait de l'argent, puis l'ego va dire « Hey, je contrôle tout, puis hey, je suis correct, puis j'ai-tu bien fait? » L'humain va encore se faire taper dedans. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Sauf que plus l'humain va être capable de développer son interpréteur actionnel, plus l'humain va être capable, à un moment donné, de comprendre que c'est quand il descend l'intelligence chez lui qu'il perd que le perfecteur de conscience, qu'on appellera l'interpréteur actionnel, fonctionne. Ça veut dire que chaque fois que vous comprenez que c'est ça qui doit être fait, vous êtes des êtres merveilleux. Ouais, mais j'ai pas plus, ça n'a rien changé dans ma vie. La vie est un temps très limité. Écoutez, à travers 4,5 milliards d'années, vos petits 60 ans, là, la vie est un contexte extrêmement limité. On ne peut pas se juger en fonction de sa vie. C'est ridicule. Ouais, mais moi, si vous auriez eu plus de chance, peut-être, vous auriez fait plus. Donc, pas votre faute, pas à peine de juger moi en fonction de sa vie, en fonction de ce qui se passe. J'aurais pas dû. C'est par tes êtres conscients. Ouais, mais je l'ai fait, on n'a rien à faire. Il y a celui qui fait tout sans jamais se prendre sans jamais être conscient de rien, puis celui qui fait des choses qui prend conscience. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on devient frustré quand on est en contact avec une chose. Si on ne contrôle pas tout, mais on se rend compte des choses. C'est important. C'est très important, ça veut dire que quand vous avez de la conscience, c'est ça qui est important. C'est pas ce que vous allez faire avec. À un moment donné, c'est évident que vous allez être amené à écrire, à communiquer, à parler, à éduquer, à brasser, c'est sûr. C'est des résultats secondaires, ça vient tout seul, on ne recherche pas ça. Parce que si on le recherche, on le trouve. Mais vu qu'on n'est pas équipé pour vivre avec ça, on paye souvent le prix de ça. Fait qu'on ne fait pas ça, on n'est pas à la quête de la conscience. Puis c'est la fin, lui. Le séraphin, c'est intéressant parce que le séraphin, c'est une mécanique qui est présentement en train de se créer. C'est un perfecteur de conscience qui, lui, va prendre l'animal humain et va en faire un être divin. Le séraphin est un perfecteur de conscience qui permet la relation entre l'intelligence supramentale de l'homme et toutes les intelligences qui font partie de, on va dire, disons, de la galaxie pour commencer. Et quand on parle de galaxie, ça fait souvent un peu bizarre à certaines personnes, parce que déjà là, qu'on a de la misère à se retrouver dans la ville de Montréal. Mais la galaxie est mieux faite. Mais il y a d'autres êtres qui vivent sur d'autres planètes, qui ont d'autres formes d'être-té, qui n'ont pas besoin de planètes. Parce que nous, on essaie toujours de comparer en fonction de ce que l'on connaît, parce qu'on compare à partir de la mémoire. Ces phénomènes-là sont des parties effusées qui, à l'époque, constituaient ce que nous étions. Eux, ils disent la même chose dans leur monde. Ils parlent de ce que nous étions. Les humains font partie de ce que nous étions. Puis nous autres, on dit, eux autres, ils font partie de ce que nous, on était. T'sais? Mais on a raison, tout le monde. Parce qu'une fois unifié, de toute façon, ça va être nous autres. Bon, on a raison, tout le monde. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le perfecteur de conscience séraphique, c'est une mécanique d'énergie qui n'est pas assujettie au continuum temporel, spatio-temporel, donc qui n'est pas limité à un déplacement, disons, de 299 792,5 km à la seconde, qui est la vitesse de la lumière. La mécanique séraphique n'est pas limitée en déplacement à la vitesse de la lumière, qui, elle, vient s'effriter sur le continuum spatio-temporel qu'on connaît présentement. Autrement dit, le phénomène séraphique, le perfecteur de conscience qu'on appelle un séraphin, c'est une force qui a la capacité de relier les intelligences entre elles. Reliant les intelligences, quand je parle d'intelligence corporifiée, donc des mécaniques, des consciences intelligentes qui ont la capacité de prendre corps présentement. Donc, un séraphin, c'est un perfecteur de conscience qui, lui, va ajuster l'harmonie entre les individus qui commencent à se conscientiser. Les séraphins sont opérationnels réellement, ils sont sur le plan planétaire depuis longtemps, depuis le 14e siècle. Ils sont opérationnels depuis 1987. Avant l'efficacisation du séraphin, les êtres reliés à de l'intelligence travaillaient tous les uns contre les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une personne qui commence à être régie par de l'intelligence, elle peut faire des conférences, elle peut écrire des livres, mais elle ne sera pas capable de sentir quelqu'un d'autre qui est dans l'intelligence. À un moment donné, à travers les individus, par exemple, qui vont suivre ce qu'elle diffuse, soit en lisant ses livres, soit en faisant un séminaire, sa personne fait un séminaire, ces personnes-là, à un moment donné, finissent par être centrées dans cette intelligence tout aussi. Puis à un moment donné, bien, là, ils commencent à juger celui qui les a mis là ou celle qui les a mis là. Puis comment ils vont s'en aller ailleurs, ils vont parler contre l'autre, etc. Et ça fait en sorte que les individus qui commencent à être régis par l'intelligence sont frustrés, ils ont tellement peur d'être manipulés par les autres intelligences que finalement, tout éclate. Et là, c'est problématique parce que les êtres intelligents devraient s'allier, mais les êtres intelligents, c'est ceux qui se dispersent le plus. Mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement en 87 que cette mécanique-là a été fonctionnelle? C'est pas nécessaire que je l'explique, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui ont été un peu partout sur la planète puis qui ont ramassé l'énergie supplémentaire qui traînait dans certains bassins, comme en Amazonie, comme en Polynésie, comme dans le Sahara, et ils ont rapatrié les vestiges d'énergie supplémentale vers le contexte nord-américain, surtout vers le Québec. Et là, ce que ça a donné suffisamment d'énergie pour permettre aux perfecteurs de conscience séraphique de commencer à vibrer suffisamment pour être capable de se relier dans la conscience supramentale aux individus reliés à l'intelligence. Et à partir de 87, les individus ont commencé à apprivoiser justement le perfecteur séraphique. Et là, progressivement, ils ont commencé à pouvoir dire, ben écoute, finalement, ce qu'il dit, c'est la même chose que moi, dans d'autres mots. Ils ont commencé à être capables de ne pas se collectiviser ou être colorés par l'autre. Ils ont été capables de rester individualisés dans leur conscience, ce qui est essentiel à la fusion, mais ils ont été capables subitement d'établir des liens énergétiques avec d'autres intelligences et de se nourrir de ces liens énergétiques-là sans nécessairement penser qu'ils doivent communiquer ou vivre ou travailler ensemble et sans non plus nécessairement penser qu'ils doivent se défendre de l'incursion de l'intelligence de l'autre dans leur propre intelligence. Donc, le perfecteur séraphique est opérationnel depuis 87, pour dire, et de plus en plus il l'est, ça veut dire qu'il vibre de plus en plus à l'échelle des personnes, et ça fait en sorte que de plus en plus les individus qui se conscientisent vont être capables de se côtoyer. Parce que les individus qui se conscientisent, rendus à un certain niveau de l'intelligentiation dans leur conscience, ils deviennent des sauvages. Ils deviennent des personnes individuelles, sinon individualistes, ils coupent des liens. C'est correct de couper des liens, ça fait partie de la finalisation, disons, de la gestation de la matrice supramentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain peut couper des liens avec son passé. Pas avec maman ou avec papa, mais avec la mémoire astralisée de maman et de papa. Si maman et papa ont d'intelligence, maintenant c'est avec l'intelligence des parents que tu fais affaire, plus avec l'émotivité de tes parents. Puis s'ils n'ont pas d'intelligence, c'est du bon monde. Sauf que tu auras de plus en plus de la difficulté à les rencontrer parce que non seulement tu vas les faire souffrir même si tu ne veux pas, puis en plus tu te fais souffrir toi-même. Tu coupes lentement comme ça. Tu peux perdre ton emploi, ce qui n'est pas nécessairement rentable. Tu coupes. Puis à un moment donné, bien là, parce que le perfecteur séraphique commence à être opérationnel à l'échelle planétaire, disons à l'échelle nord-planétaire, puis à l'échelle québécoise entre autres surtout, ce qui va arriver, c'est que les individus vont subitement être capables de s'associer énergétiquement, donc de créer des synergies. Ça va faire en sorte que les individus vont progressivement être capables de... Bon, disons que tout corps impose son espace-temps aux autres corps. Ça veut dire que plus une masse est imposante, plus elle courbe l'espace-temps autour d'elle, l'espace événementiel en ce qui concerne l'individu. Donc, les êtres qui se conscientisent, grâce au perfecteur de conscience séraphique, vont commencer à établir des liens entre eux. Ils vont s'aimer d'une façon anémotive, donc sans émotion. Et ça va créer une masse d'énergie supramentale plus puissante qui va progressivement courber l'événementiel autour des individus. Ça va faire en sorte que les sociétés vont commencer à se plier à l'intelligence des individus. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que tu as suffisamment d'énergie, tu veux te trouver un emploi dans un domaine qui va t'intéresser, puis subitement, il va se passer qu'on va être capable de t'en offrir un dans ce domaine-là. Donc, la courbure de l'événementiel. Ça commence présentement pour certains individus, mais c'est l'apanage de l'être qui se conscientise. Pas l'apanage de celui qui suit Daniel Kemp, là. Hein, parce que celui qui suit, il peut être un suiveux, là. C'est pas ça. C'est l'apanage des gens qui se conscientisent. Il y en a qui se conscientisent pour être ensemble. Il y en a qui se conscientisent qui sont ailleurs. C'est l'apanage de ceux qui se conscientisent. Lentement, il s'accrée une synergie à cause du perfecteur de conscience séraphique, ce qui va engendrer une courbure, c'est-à-dire une espèce de gravitation du phénomène événementiel, et ça va commencer à servir l'humain. Maintenant, il y a l'ego va rester là-dedans, mais c'est des phénomènes sur lesquels on pourra revenir à un moment donné, mais pas ce soir, ça serait trop détaillé. Le séraphin permet donc la communication entre les êtres qui commencent à être intelligents. Et ça va permettre l'unification de ces êtres-là, une alliance entre les êtres qui vivent de l'intelligence, une alliance qui les laisse libres. Autrement dit, leur union est limitée. Alors, on fait des choses là-dedans, mais je n'appartiens pas, je ne dois pas, je ne suis pas dans une gang, dans un clan, dans un groupe. Je reste moi. Le séraphin est aussi en contact avec d'autres êtres intelligents. Absolument. Qui viennent d'ailleurs. Mm-hmm. C'est ça. Lentement, le séraphin, le perfecteur séraphique, va permettre à l'humain d'établir des contacts donc avec les autres, d'établir des contacts progressivement avec la planète Terre dans l'avenir. Et là, l'humain commence progressivement à récupérer des mémoires réincarnationnelles, donc des mémoires de l'avenir. Puis là, l'humain commence à vivre une frustration progressive, encore une fois, où il a subitement de plus en plus l'impression de ne pas être sa bonne planète. Ou d'être au Moyen Âge. Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment exprimée comme quelque part chez lui, il le vibre. Mais en plus, le perfecteur séraphique met en contact l'être humain qui se conscientise avec des êtres conscients qui sont dans d'autres continuums, mondes parallèles ou carrément des mondes qui sont ailleurs au niveau de l'espace. Donc des personnages, des phénomènes extraterrestres. Mais en réalité, c'est même extrasolaire puis c'est galactique. Et là, ce qui va se passer, il va se passer que progressivement dans les années 93, 94, 95, il y a de plus en plus d'individus qui vont se faire visiter pendant leur rêve. Il y a de plus en plus d'individus qui vont subitement avoir l'impression de présence autour d'eux. Mais la présence, elle n'est pas là. C'est un sens. C'est un peu comme la première fois qu'on a donné une longue vue à quelqu'un. Mais il avait l'air fin finot parce que, il veut prendre des biscuits. Là, il est là-bas, le biscuit. OK, tu comprends l'idée? Mm-hmm. Il pense que c'est tout prêt à cause, il regarde dans sa longue vue. Là, ce qui arrive, c'est que le perfecteur séraphique, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il te fait vivre des choses qui sont loin. Alors, tu te promènes, par exemple, sur la rue, puis subitement, tu as l'impression que tu es observé. Non, ton œil, il voit là-bas, là, il n'y a rien là. Mais t'es pas fou, t'es pas malade. Puis il ne demande pas à un médium ou un voyant de voir s'il y a quelque chose, il va te dire qu'il n'y a rien. Là, tu sais plus où tu en es. T'es connecté ailleurs. Dans le temps comme dans le temps, le perfecteur de conscience séraphique va muter et il va devenir un corps séraphique. Le corps séraphique, c'est ce qui, à un moment donné, a descendu dans le corps de Jésus pour en faire un corps de lumière. Le corps séraphique est individuel à l'humain. C'est une espèce d'excroissance du perfecteur séraphique. Le corps séraphique, qu'on appelle aussi dobétérique, va finir par être un véhicule qui va permettre à la conscience de l'humain, toute la conscience qui ne peut pas être exprimée dans le plan planétaire, de rester dans le corps séraphique, donc dans le dobétérique. Et progressivement, se nourrissant à même la fonte de l'ego, parce que l'humain va finir par avoir une âme pure, donc une âme sans ego, il va être capable de recréer un contexte, une espèce de véhicule, dans le plan vital planétaire, qu'on appelle le plan moronciel ou le plan éthérique, il va être capable de créer une espèce de véhicule qui va faire en sorte que si le corps physique de l'homme, de la femme ou de l'enfant meurt, la conscience qui l'habite ne va pas dans le monde de la mort, mais gagne ce corps-là. Donc, l'humain est immortel au niveau de la conscience. Mais ça va faire aussi en sorte qu'à un moment donné, dans les temps qui vont venir, l'individu qui aura un corps séraphique suffisamment volumineux, donc le perfecteur de conscience sera suffisamment parfait. Ce corps-là pourra être appelé véhicule séraphique, donc ça deviendra un transporteur séraphique, et c'est ce qui va permettre à l'individu de quitter le continuum planétaire pour s'en aller là où il doit continuer son cheminement, c'est-à-dire pour la majorité en l'an 3147, à partir de la chronologie que l'on connaît aujourd'hui. Donc, l'individu ne vivra pas l'apocalypse des autres et tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce qui fait que l'individu se retrouve en l'an 3000 et non en l'an 6000, 8000? Ben, parce que ça se passe en l'an 3000 à partir de la chronologie d'aujourd'hui si on crée une extrapolation dans le temps. Mais quand il va arriver là-bas, la date, c'est même pas ça. Moi, je te dis simplement que si ça continuerait ça va là, sans apocalypse, sans connerie, là, vers l'apothéose, un phénomène apothéosique, les individus, ça, je t'en parlerai à un moment donné. Là, ce que je voulais amener, c'est que ce canal séraphique-là semble limité dans l'espace-temps. Ben, il est limité aussi. Il ne semble pas limité, il est limité. C'est limité le canal séraphique, ça ne peut pas nous amener ailleurs qu'en 3000. C'est sûr, c'est limité. OK. C'est plus clair. Quand tu recherches une affaire, c'est illimité. C'est limité. Le perfecteur séraphique sert à ça. Fait qu'on va laisser faire l'an 3000 pour l'instant, en termes de chronologie actuelle. Ce qui est important surtout, c'est ce qui explique et c'est ce qui va permettre aux individus qui commencent à vivre de la conscience, c'est ce qui va leur amener le goût de se rapprocher de temps en temps de certaines personnes qui ont de la conscience. C'est ce qui va permettre aussi aux individus, par le fait qu'ils vont devenir un peu plus transparents, d'être capables d'être respectés, d'être respectables les uns envers les autres. Ça veut dire qu'on va s'aimer sans se manipuler. Je vais aimer celui qui vient vers moi, puis je vais aimer celui qui s'éloigne de moi. Puis pas parce que je suis spirituel, parce que je suis conçu comme ça. Puis c'est pas un amour, je l'aime. C'est pas ça du tout. C'est que tu te nourris, tu es simplement bien, vu que tu es toi-même. C'est un amour qui est gratuit. Le perfecteur séraphique va permettre aux individus qui se conscientisent d'être capables, premièrement, d'établir des liens télépathiques de plus en plus consistants, des liens mentalopathiques, puis supramentalopathiques, puis finalement énergiopathiques. Donc, c'est le complexe total au niveau énergétique qui va être capable de vivre des relations. Le perfecteur séraphique, c'est ce qui va permettre à l'humain de perfectionner sa conscience en étant capable de lui donner différents points de vue. Et c'est ce qui va permettre à l'humain de perfectionner sa conscience en lui permettant de vivre la part d'intelligence des autres corps physiques dans le contexte planétaire. Autrement dit, moi, mes véhicules me permettent d'amener de l'intelligence selon certaines facettes. Tes véhicules te permettent d'amener de la même intelligence, mais exprimée de d'autres facettes. Et parce qu'à un moment donné, on aura un lien séraphique, je vais être capable de bénéficier de ton amener d'intelligence, autant que tu bénéficieras du mien, mais je vais être capable de bénéficier de toi, donc ma conscience va devenir plus volumineuse parce qu'elle va inclure la tienne. Puis la tienne va inclure la mienne, évidemment, puis ça va inclure celle de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Séraphique. Prochain, l'allô... Melchizedek dans l'ordre. C'est pas grave. Melchizedek, c'est le dernier. J'ai pas mis, j'ai nommé, mais on parle du Melchizedek dans le terme croissant. Les Melchizedek sont des catalyseurs de l'évolution. Donc, ils n'évoluent pas. Ils accélèrent l'évolution des structures ascensionnelles sans en prendre part. Les Melchizedek sont des catalyseurs de l'évolution. Les Melchizedek ont été engendrés, il y a de cela quelques, en termes chronologiques actuels, là, mais c'est un peu avant la création actuelle. Donc, on va dire 5 milliards d'années, une création à 4,5 celle-ci. Sur certaines planètes refroidies comme les nôtres, il y a des individus qui sont rendus à l'étape de la fusion, c'est-à-dire rendus à l'étape de l'alliance entre le corps séraphique et eux-mêmes, pour des raisons trop longues à expliquer, ont refusé la fusion. Refusant la fusion, ils deviennent éternels pour un paquet de principes, mais ils deviennent des catalyseurs d'évolution, c'est-à-dire qu'ils disparaissent en tant qu'êtres personnalisés. Ils deviennent donc des êtres post-personnalisés. Puis on va sauter des petits détails. Le Melchizedek dans la création présentement, pénètre les mondes ascensionnels dans le but d'essayer de se fusionner à un être ascensionnel pour mettre fin à sa Melchizidiose aiguë. Bon. Le premier Melchizedek connu a été appelé prince de Salem aussi. Bon, il a habité un peu la région de Salem. Il a catalysé l'évolution, la monothéisation des religions. Les Melchizedek, il y en a présentement plusieurs, ou dans le contexte planétaire, la majorité des Melchizedek ont toujours travaillé dans le but d'amplifier la misère à l'échelle de la planète. Les Melchizedek, on travaille surtout en alliance, par exemple, avec la franc-maçonnerie. On travaille en alliance avec l'ordre nazi. Travaille en alliance présentement avec différentes peuplades, différents grands peuples, que je ne nomme pas, pour amener la destruction massive de la forme dans le contexte planétaire. Donc, la majorité des Melchizedek travaillent présentement à la venue de l'apocalypse planétaire. Le Melchizedek le plus connu actuellement, c'est un personnage qui a la capacité de réincarner les mémoires de la majorité des grands avatars des religions. C'est un réceptacle qui permet la réincarnation des mémoires de Jésus, mais c'est pas Jésus. Des mémoires de Bouddha, mais c'est pas Bouddha. Des mémoires de Mahomet, mais c'est pas Mahomet, etc. Et ce bonhomme-là va avoir la capacité, dans les années à venir, de se présenter comme étant le grand Maitreya et de dire à la majorité des peuples, « Suivez-moi. » Quand il va s'adresser aux musulmans, les musulmans vont reconnaître Allah. Quand il va s'adresser aux chrétiens, ils vont reconnaître le Christ. Quand il va s'adresser aux autres nations religieuses, les gens vont avoir l'impression de le reconnaître. La problématique, c'est que les gens vont vouloir se rapprocher, mais étant donné que les individus vivent dans un état de conscience qui n'est pas supramental, donc qui n'est pas séraphisé, ils ne peuvent pas être frères et sœurs en esprit entre les différentes nations religieuses. Ils sont frères et sœurs en esprit entre eux parce qu'ils sont reliés aux mêmes égrégores, aux mêmes faisceaux d'énergie. Ce qui va arriver, c'est que le rapprochement des peuples va finir par créer une espèce d'union des républiques socialistes soviétiques planétaires où on a des peuples qui ne peuvent pas vivre ensemble et qui vont vivre ensemble sous le joug d'un Maitreya. Puis à un moment donné, lui, quand il va s'en aller, ça va être une guerre absolument catastrophique. Bon. Ça, c'est un grand Melchizedek. Son rôle, c'est d'amener l'humain à la désillusion de la forme. La désillusion de la forme, on doit la vivre avant l'apocalypse. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un perfecteur de conscience séraphique, puis de vivre différents tripes intéressants. Maintenant, la destruction de la forme, ça veut dire que les dieux ne t'auront pas sauvé. Il y aura la guerre. Ça veut dire que la science aura participé à la destruction. Ça veut dire que l'amour sur la planète Terre va servir absolument à rien. Ça veut dire que tout au complet va s'anéantir. Il va rester encore des humains après. Mais ça va être la destruction de la forme. L'humain ne pourra pas dire... L'humain va devoir s'asseoir sur sa roche puis dire... finalement, le Russe, finalement, le musulman, finalement, n'importe qui, tout ce qu'ils veulent, c'est être heureux. On les laisse taper sa gueule pour aider. Tout le monde va être heureux. Tout le monde aimerait avoir une planète où on serait en paix. Et présentement, les gens veulent avoir une planète où on va être en paix devant la statue de Lénine. Et un autre, il va avoir une planète où on va être en paix devant la croix du Christ. Les formes vont être anéanties. Le perfecteur, bon, Melchizedek, il y en a un, il y en a quelques autres. Les Varons d'Adlec sont des perfecteurs de conscience galactique qui vont permettre l'atténuation des heures qui vont apparaître progressivement entre différentes mécaniques extraterrestres, humaines et intraterrestres. Les Lanunandek sont des perfecteurs de conscience qui font partie d'un super-univers. Puis eux vont permettre le transport séraphique entre des entités de d'autres univers, dans le super-univers. Et l'homme, ça veut dire que ça va projeter la conscience de l'homme, non pas à l'échelle planétaire, à l'échelle galactique, mais à l'échelle créationnelle. L'Anunnandek a comme fonction de créer des mécaniques de communication entre tous les mondes ascensionnels dans un système universel. Sur l'Anunnandek, on est obligé de terminer parce que le temps ici passe rapidement.